À les réseaux d'information libres et indépendants. Dans la tournée, j'ai pas de connaissances des conférences de presse dans les grands médias. Apparemment, c'était décidé à Paris, une fermeture frontale avec les médias commerciaux. Je prétends pas dans aucun cas critiquer cette décision, mais c'est une décision du collectif de Paris qui, forcément, il va avoir une répercussion sur la diffusion dans un grand public des actions pour Ayotzinapa. Sinapa. Je dois m'excuser, j'ai piétiné les temps de parole du CCL, je viens de foirer mon coup encore une fois. Les génériques vont me faire ding-dong. Il est 20h sur Radio Campus 106,6. Et on va la faire court. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, je vous laisse ici avec l'équipe de la Guidale, j'allais dire. Bon, tu sais, c'est la Guidale que Dieu le garde dans sa gloire. Ouais, c'est la voix sans maître. La voix sans son maître, mais voilà. Bon, quand même, j'ai mis en boucle des attentes les génériques, donc on se fait Ah, un super. petit générique. Allez, Allez. Merci les gars. Merci, Jero. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le rapateur qui écrive nos lois. Société caca, société pipi, société capitonné capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir, et donc c'est bien la voix sans maître effectivement qui commence ce soir sur Radio Campus 106,6 MHz. Et bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être à l'écoute de la voix sans maître. Et on rappelle que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler pendant les pauses musicales, sinon on ne peut pas répondre parce qu'on parle. Voilà. Donc vous êtes évidemment sur la voie sans mettre là l'émission de toutes et tous les anarchistes de l'île de la métropole qui va même jusqu'au Québec, voire à Gand. Et on va vous parler de tout ça. On va commencer par l'agenda de la semaine. Exactement. Alors, eh bien, une fois n'est pas coutume, moi j'ai rien à vous annoncer pour ce soir. Donc vous pouvez dormir tranquille, sauf si tu as une précision à faire, mais... Ou alors profitez. Bon, il y a un peu du vent, mais il fait un peu doux. Si vous voulez sortir, c'est. Voilà, c'est voilà. Ça, c'est ça. Donc profitez pour faire ce que vous voulez, vous détendre, tout ça. Alors, donc l'agenda commence à partir de demain, donc samedi 18 avril, ou à 15h au Centre culturel libertaire de Lille, donc aux 4 rues de Colmar, métro Porte des Postes. Il y a un atelier surréaliste. Donc c'est pendant la permanence bibliothèque du CCL aussi, qui sera peut-être délocalisé à Gand, si je ne m'abuse. Qui sera tout à fait délocalisé à Gand demain pour l'ensemble de la journée. Donc, a priori, nous ne serons pas là. Mais vous pouvez quand même venir pour l'atelier surréaliste. Mais pourquoi donc? Mais que se passe-t-il à Gand? Eh bien, à Gand, demain, il se passe la 14e édition de la Foire internationale du livre alternatif et libertaire. De 10h à 18h au local 2 Central. Voilà, je n'ai pas l'adresse exacte, mais n'hésitez pas. Les internets sont vos amis. Les internets sont vos amis. Si vous n'avez pas d'internet ce soir, et bah profitez des pauses musicales pour nous appeler. Nous vous ferons une joie de vous répondre au bureau des renseignements. Voilà. Donc voilà, le premier volet international de cet agenda commence dès demain. Donc voilà, l'atelier surréaliste. Donc c'est un atelier au CCL qui met l'accent sur la musique et sur l'interaction entre la musique et d'autres médias. Voilà, apportez ce que vous voulez. Ensuite, toujours demain, samedi 18 avril, à 14h30, il y a un rendez-vous sur la Grand Place de Lille pour une mobilisation contre le traité de libre-échange, donc le TAFTA, et ça c'est organisé par le collectif Stop TAFTA. Et en fait, il me semble que c'est une manifestation qui a lieu dans plein de villes et plein de pays du monde, donc pas seulement en France. C'est une journée d'action un peu mondiale, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est à l'appel de plein de collectifs différents, enfin de plein d'horizons différents qui sont regroupés dans le collectif Stop TAFTA. Donc pour mémoire, c'est le traité transatlantique avec les États-Unis, donc voilà, et l'Amérique du Nord plus généralement, il me semble. Voilà, donc tout un tas de saletés néolibéralistes qui nous arrivent dans la tronche. Ensuite, je continue l'agenda. Prochain rendez-vous, toujours samedi 18. Il y a des choix à faire pour demain après-midi, parce qu'il y a pas mal de trucs simultanés, plus ou moins. Donc samedi 18 à 16h, il y a une projection à l'Insoumise, donc la bouquinerie occupée, qui se trouve aux 10 rue d'Arras, donc métro Porte de Douai ou Porte de Valenciennes. Ou peut-être mairie de Lille, ça doit pas être trop loin non plus. Enfin bref, prenez le vélo. Et donc la projection à l'Insoumise demain après-midi, c'est un documentaire de Jenny Livingstone qui s'appelle Paris is Burning, et qui dure 71 minutes. Et donc c'est un documentaire qui... Donc je vais vous lire le petit résumé d'une phrase qui dit « À la fin des années 1980, le milieu queer de Brooklyn organise sa survie matérielle et des bals dégenrés et subversifs. » Donc voilà, effectivement, c'est un documentaire qui parle de la contre-culture queer à New York dans les années 80. Et la projection sera suivie d'une lecture fragmentaire de la brochure Queer Ultra-Violence. Pardon. Donc voilà, donc je rappelle, c'est à l'Insoumise aux 10 rue d'Arras. Ensuite, l'agenda continue au dimanche 19 avril. Et donc, de 13h à 17h, il y a la Block Party No. 5. Et donc ça, c'est sur la Pépinière. Donc la Pépinière qui se trouve rue du Faubourg de Roubaix, au niveau de la place Désiré-Boucher. Et donc c'est à Lille, c'est à 5 minutes du métro Lille-Europe à peu près, vers Saint-Maurice. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est la cinquième édition de la Block Party Lille. C'est de 13h à 17h, j'ai déjà dit. Il y aura des open mic, des DJ, du graff, de la danse. Et c'est en soutien à la Pépinière. Donc, il y a un îlot, là, pour utiliser le langage des urbanistes de la métropole européenne de Lille. Donc, c'est un terrain, en fait, qui est le dernier terrain agricole de Lille. De Lille, voilà. Ouais, exactement. Et qui est menacé par un plan d'aménagement pour faire des super immeubles trop cool pour que les gentils cadres... quand même, on est juste à côté de la gare, on ne va pas laisser un terrain vide qui ne sert à rien. Là. Exactement, voilà. Il faut que les cadres sup puissent vivre à Lille et aller travailler à Paris en TGV. Voilà. Il faut créer de la valeur. Exactement. Et donc, je rappelle que la Block Party a lieu de 13h à 17h et est gratuite et en plein air. Voilà, donc n'hésitez pas à ramener vos tronches et à venir rapper, breaker, dessiner, tout. Ramène tes textes. Exactement. Ensuite, je tiens à préciser aussi que sur tout le week-end, donc à partir de ce soir et jusqu'à demain soir, il y a au LAG de Liévin, donc le lieu autogéré de Liévin, il y a le festival Bobine Rebelle. Et voilà, c'est un festival qui a déjà eu lieu en 2013 et 2014 et donc qui a lieu encore cette année. Et c'est un festival qui tourne autour de projections, notamment de documentaires, et autant que faire se peut, en présence des réalisateurs ou des réalisatrices, pour des temps d'échange et de discussion sur ce qui est projeté. Ça commence ce soir, donc à Liévin, l'ouverture du festival Bobine Rebelle 2015. La projection, c'est les bals du 14 juillet 1953, donc bal BA2LES. Et c'est un film de Daniel Kupferstein, et qui est donc projection suivie d'échanges avec le réalisateur. Et cette soirée d'ouverture se tient au centre Arc-en-Ciel, place Gambetta à Liévin. à 19h30. Donc vous êtes déjà en retard, mais vous avez encore peut-être le temps d'y courir ou au moins d'assister à la discussion. Et ensuite, samedi 18 avril 2015, toujours au Lag de Liévin, donc 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, et ben ça commence à 10h30 et par la projection de la trêve de trêve de Carmit Arache. Suivi d'échanges avec la réalisatrice. Ensuite, à 14h, Les Messagers de Hélène Cruzilla et Laetitia Tura. Film plus échange avec les réalisatrices. 16h30, Karaoké domestique de Inès Rabadan. Et donc, pareil, suivi d'échanges avec la réalisatrice. Et à 18h, Vous qui regardez Un cœur qui bat de Sylvain Verdet et Antoine Chaudagne. Et donc, suivi d'échanges avec les réalisateurs aussi. Voilà, et ensuite la soirée se poursuit autour du désormais fameux repas Babine Rebelle avec l'ensemble des réalisateurs et réalisatrices. Ça donne faim. Voilà, exactement, ça donne faim, il est l'heure. Donc je continue l'agenda et je passe au lundi 20 avril. Et donc, comme tous les lundis, au Centre culturel libertaire de Lille, eh ben, il y a la cantine vegan du CCL de 12h à 14h. Et qu'est-ce qu'on mangera ce lundi midi ? Eh bien, je n'ai pas trouvé le menu de ce lundi sur le site. Que fait la cantine du CCL ? Voilà, donc je rappelle, si vous avez très faim et que vous avez envie de voir si le menu a été mis en ligne dans les 10 dernières minutes, eh ben, vous pouvez aller sur lille.cybertaria.org, C-Y-B-E-R-T-A-R-I-A. .org, Motus. Voilà, vous pouvez consulter tout ça, les menus sont mis en ligne régulièrement. De 12h à 14h, la cantine du CCL, ramenez votre estomac. Prix libre, vaisselle participative, voilà, comme d'hab. Ensuite, toujours lundi et toujours au CCL, il y a un concert de lundi soir, donc un concert de Ciudad Lineal, c'est de la Cold Wave qui vient de Barcelone, Baptiste Brunello qui est un chanteur à variation qui vient de Bruxelles, Claude Barbara qui fait de l'électro et qui vient de Quesnoy-sur-Deule, et Rhône Poulenc qui est un groupe qui fait de l'électropop et qui vient de Lille, et c'est un concert à prix libre au CCL. Le Rhône jusqu'à Lille. Ah, exactement. Ensuite, je continue avec le mardi 21 avril, un concert qui a pour titre « Making the 21 avril sexy again », donc en clin d'œil au 21 avril 2002. Voilà. Donc c'est un concert qui commence à 20h30, qui est à prix libre, et l'affiche se compose de Surgical Beat Bros, qui fait du chirurgical pop et qui vient d'Italie, Petra Piedbiche qui fait de la Tribal Cold Wave et qui vient d'Amiens, et Air Bacha qui est de l'électro-hip-hop de Meaux, voilà, comme le Brie. Venez combattre le spectre du 21 avril et les chantages à la participation citoyenne au vote. Exactement, exactement. Voilà, un concert avec une démarche militante assumée et une très belle affiche. Alors, toujours le mercredi 22 avril, j'aurais dû commencer par ça, parce qu'au niveau du suivi des horaires, c'est plus logique. Mais donc voilà, à 18h30, comme tous les mercredis. Oui, non, mais comme ça fait un peu un jeu pour les auditeurs, auditrices, de voir s'ils suivent bien à la fois les jours et les horaires. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, voilà, donc mercredi 22 avril, 18h30, du coup, je vais y arriver, à la place de la République, comme tous les mercredis, il y a la manifestation du CSP 59, le comité des sans-papiers, qui a pour mot d'ordre, comme tous les mercredis, la régularisation de tous les sans-papiers et toutes les sans-papiers. Ensuite, toujours ce mercredi 22 avril, à 19h, il y a un atelier sur la gestion collective des soirées au CCL. Donc cet atelier, il fait suite à une première rencontre au mois de mars. Il est prévu pour discuter sur comment on pourrait avoir une meilleure gestion collective du CCL, qui, on le rappelle, est un lieu ouvert, autogéré, sans subvention, et géré avec les personnes qui sont présentes et qui s'y investissent, donc n'hésitez pas. Donc cet atelier, ça pourrait être notamment l'occasion de réfléchir à comment faire pour que chacun et chacune se sente responsable de ce qui se passe durant les différentes activités qui ont lieu au CCL, et ainsi du coup briser la frontière entre spectateurs-spectatrices et organisateurs-organisatrices, voilà, qui est une démarche qui est assez importante pour les personnes qui font fonctionner ce lieu. Donc venez nombreux et nombreuses, et n'hésitez pas, il n'est pas nécessaire d'être venu au premier atelier pour venir à ce second atelier, donc n'hésitez pas et venez. Ensuite, jeudi 23 avril, de 7h du matin, vous ne rêvez pas, à 9h30 du matin, la cantine vegan du CCL vous propose un petit-déj à prix libre, voilà, comme toutes les semaines. Toujours le jeudi, et ben de 20h à 22h, et bien il y a la cantine vegan de l'Insoumise, donc je rappelle au 10 rue d'Arras, qui est aussi une cantine vegan à prix libre. Ensuite, je terminerai cet agenda avec le vendredi 24 avril, donc vendredi prochain, de 12h à 14h, et ben il y a encore une cantine vegan au CCL, parce que ça n'arrête pas, en ce moment c'est 3 fois par semaine, lundi midi, vendredi midi et jeudi matin. Donc je n'ai une fois de plus pas le menu, mais ce sera comme à chaque fois tout à fait délicieux. Donc c'est au CCL. Succulent et varié. Exactement. Et sont produits issus de l'exploitation animale. Voilà, c'est ça qui est fabuleux. Et donc c'est de 12h à 14h au CCL. Et toujours au CCL, le même vendredi 24 avril, et ben il y a un concert le vendredi soir à 21h. Et donc, il y a le groupe Quadrupède, qui est du matrock, qui vient de Le Mans. Il y a le groupe My Disco Jacket, qui est de l'électropop, qui vient de Lille. Et il y a le groupe Comète Normal, qui est décrit ici comme étant du swing de Lille. Mais pour les avoir déjà vus faire de la musique, eh bien, je ne dirais pas que c'est du swing. Voilà, je dois rectifier cette information et vous informer qu'il s'agit de musique de jazz. Oui, c'est du jazz. Voilà, c'est de la musique de jazz, Comète Normal, mais néanmoins tout à fait sympathique. Oui, on peut quand même l'écouter. Voilà, hein, ce n'est pas parce que ce n'est pas du swing, mais du jazz qu'il faut faire attention de ça. Et donc c'est avec cette note joyeuse et précise que j'arrive à la fin de l'agenda. Donc je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Tout à fait. Alors nous allons continuer dans l'internationalisme, puisque nous allons écouter un groupe néerlandais qui s'intitule les Bucket Boys. Oh yeah. Et qui fait un peu du blues à l'américaine et qu'on a vu jouer, qu'on a eu la chance de voir jouer au CCL, mais qui passe aussi sur Calais et ce genre de choses. Bref, c'est des gens qui bougent, qui n'ont que faire des frontières et voilà. Et c'est vraiment très très bien. Voilà. N'hésitez pas à aller les voir en concert si vous pouvez. Radio Campus 106.6. The smoke is rising and the water level does the same. The people Vendredi soir, c'est la fête. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM, la voix sans maître. On vous rappelle que demain, si vous le souhaitez, vous pouvez venir dès 14h30 sur la Grand Place pour participer à une mobilisation locale, mais aussi européenne, contre les traités transatlantiques. Les traités de libre-échange transatlantique, TAFTA et compagnie, qui arrivent, qui nous tombent dessus. Et on va profiter de ce lien transatlantique pour aller faire un cours en Amérique du Nord, au Québec plus exactement, où il va se passer aussi des choses demain, si j'ai bien suivi. C'est ça, et il se passe des choses au Québec, des choses fort intéressantes depuis déjà un moment. Donc il y a un gros mouvement, une grosse mobilisation avec un appel, avec des revendications assez larges et super intéressantes, qui est en train de se développer au Québec et qui est déjà vraiment bien en forme, bien mobilisé, voilà, pour utiliser des mots redondants. Donc pour donner une idée, le 23 mars dernier, donc il y a eu une bonne grosse manifestation qui a eu lieu contre les mesures d'austérité, entre autres, et ça a rassemblé 62 000 personnes, donc voilà, ça fait quand même déjà pas mal de monde. Et alors, pourquoi il y a ce genre de manifestation ? Pourquoi les gens se mobilisent-ils au Québec ? Eh bien, en fait, il y a tout un ensemble de raisons. D'abord, il y a les mesures d'austérité imposées par le gouvernement. Donc ça, c'est des choses qui résonnent un peu avec ce qui peut se passer à d'autres endroits, donc, par exemple chez nous. Donc voilà, il y a des coupes budgétaires qui sont faites partout, notamment dans les aides sociales, dans le soutien aux personnes en difficulté, etc. En plus de ça, du coup, la mobilisation, elle s'inscrit dans une démarche anticolionialiste et du coup en opposition à l'industrie extractiviste, l'industrie pétrolière du Canada. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Canada, il y a tout un ensemble de, alors je sais plus comment on appelle ça, mais de pétrole qui vient des sables visqueux là ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est le terme exact, mais du coup. C'est genre des schistes bitumineux ou ce genre de choses. Ah, bitumineux, voilà, ouais. C'est ça. Et donc, c'est du pétrole qui coûte très cher à extraire, mais comme c'est la crise du pétrole, eh ben, c'est devenu rentable. Et c'est un truc qui pollue à mort, parce qu'en fait, c'est du pétrole mélangé à du sable, un peu schématiquement. Et donc, il faut le laver à fond, le diluer, parce que c'est très visqueux, donc il faut le diluer avec des produits hyper chimiques et tout, pour extraire le sable et garder que le pétrole. Et donc ça se passe tout au nord du Canada. Et au nord du Canada, à part ça, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, ces industries ont besoin de construire des pipelines pour acheminer leur pétrole jusqu'à des gares. Et ensuite, ces industries ont besoin de construire tout un réseau de voies ferrées pour acheminer leur pétrole dans les centres industriels, économiques, tout ça, du pays. Et le vendre un peu à droite à gauche. Donc tout ça implique des énormes travaux, souvent à travers des forêts, des trucs comme ça. Donc en plus du lieu d'extraction, il y a une déforestation, où il y a déjà une déforestation hyper importante. Surtout le trajet des pipelines et des lignes de train, quoi. Et ben c'est pareil, ça déforeste à gogo. Et c'est ultra polluant du début jusqu'à la fin. Et en plus, ça passe souvent sur des territoires qui sont des territoires indigènes, donc des territoires des peuples natifs des régions du nord du Canada. Et donc les entreprises et les l'État et donc les États fédéraux, les provinces, voilà, c'est ça, en profitent pour essayer d'exproprier ces terres aux populations natives, parce que bon, quand même, ils les embêtent un peu. Et donc il y a des grosses luttes aussi de résistance qui s'organisent par rapport à ça, d'où l'inscription dans une démarche anticolonialiste, parce que cette démarche-là, elle est dénoncée par les peuples natifs comme du colonialisme. Donc ça fait tout un ensemble de raisons. Déjà pour se mobiliser. Et en plus, alors dans les manifestations, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes. Il y a beaucoup de mobilisation au sein des différentes facs de Montréal et de l'État, enfin de la province du Québec en général. Et notamment à l'UQAM, donc c'est l'Université du Québec à Montréal, qui est une grosse université majoritairement francophone, il me semble. Et ben, il y a les autorités de la fac qui ont menacé d'expulser 9 personnes simplement en les accusant de mobilisation politique. Donc, par rapport à toute la mobilisation, en fait, il y a des gens qui se sont mis qui ont appelé à la grève et qui ont essayé de débrayer les cours, etc., etc. Et donc, il y a 9 personnes au hasard qui sont fait choper et qui sont menacées d'expulsion par la fac. En plus de ça, il y a des manifs de fachos style Pegida en Allemagne là, qui essayent de faire prendre un espèce de mouvement islamophobe un peu dans le style allemand. D'accord. Donc voilà, ça fait tout un ensemble de raisons pour se mobiliser et ça marche plutôt bien. Et donc il y a vraiment des grosses mobilisations. Donc je disais le 23 mars, il y a une grosse manif avec 62 000 personnes. Le lendemain, il y a eu une manif nocturne. Donc c'est des trucs qui étaient... les manifs nocturnes, c'est des dynamiques qui étaient bien en place en 2012, là, ce qui a été appelé par les médias le printemps érable. Et donc là, ça faisait depuis 2012 à peu près qu'il n'y en avait pas eu. Et là, voilà, il y en a eu une dès le lendemain de cette grosse manif et il y en a encore régulièrement. Et donc, il y a régulièrement des vitrines de banques qui sont pétées ou des vitres de voitures de police qui se désintègrent, voilà, malencontreusement. Donc ça c'est pour le contexte, donc voilà, ça fait une bonne grosse convergence des luttes, quoi, un bon truc. Et il y a un truc un peu rigolo quand même au niveau de ce mouvement-là dans les facs, c'est qu'en fait, donc après 2012, après toutes les mobilisations, il y a un syndicat étudiant qui s'appelle l'ACE, A2SE, je sais plus ce que ça veut dire l'acronyme, mais peu importe, qui, du coup, ce syndicat étudiant, il avait pris pas mal de poids à la suite de ce mouvement-là. Et là, en gros, il était dans une dynamique un peu d'asseoir sa position et tout, et du coup, de faire des compromis, d'être dans un truc un peu électoraliste. En voie de bureaucratisation. Ouais, exactement, en voie de bureaucratisation. Et en fait, du coup, c'est ce syndicat-là, quand le mouvement a commencé, donc le mouvement, il a commencé là cette année par la base, le syndicat, qui était normalement un truc un peu combatif, a commencé à dire « Non, mais en fait, il ne faut pas faire la grève maintenant, il faut se réserver pour cet automne. Là, il est trop tôt, tout ça, nous, on a posé des jours de grosses mobilisations, tout ça, pour l'automne, donc retourner en classe. » Donc ça, c'est un peu cool, un syndicat étudiant qui appelle à retourner en cours et tout, bon, trop bien. Les médias se sont grave emparés de cette décision-là du syndicat pour essayer justement de tuer la mobilisation dès le départ. En parallèle, les facs et notamment l'UQAM ont embauché des vigiles privés, donc ça a coûté au total genre 500 000 dollars, un truc comme ça, donc en pleine période d'austérité, c'est trop la classe. Oui, bah après, il faut bien que les étudiants ils payent les frais d'inscription, parce que voilà. Comment on paye la milice? Voilà, exactement. Donc on comprend pourquoi ils voulaient augmenter les frais d'inscription en 2012. Donc bref, et finalement, hasard du calendrier un peu, le congrès de l'AC, là, du syndicat étudiant, il tombe 2-3 jours après une énorme manif qui a eu lieu le 2 avril et qui a rassemblé 75 000 personnes, donc, qui est genre une des plus grosses manifs que la province de Québec a connue, un truc comme ça, donc vraiment une grosse manif. Et du coup, le congrès du syndicat a lieu quelques jours après. Et c'est dommage, en fait, tout le bureau du syndicat, en gros, tous les dirigeants, ils se sont fait virer dès le début du congrès. Et c'est d'autres gens qui ont pris leur place, d'autres gens qui sont combatifs et qui, appellent à la grève. Donc le syndicat a été récupéré par sa base un peu schématiquement et appelle de nouveau à la grève. Donc voilà, ça c'est un petit peu rigolo. Donc là, il n'est plus question de reporter le mouvement en octobre. Non, là, ça continue à prendre de l'ampleur. Et il y a notamment le 1er mai qui se prépare comme une bonne grosse date de rassemblement qui va être un truc assez important. Et j'en profite pour avoir la classe internationale de la solidarité et de la lutte et appeler à la manifestation populaire contre l'austérité qui est prévue demain à l'UQAM à Montréal à 14h. Donc voilà. Donc voilà pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui sont en ce moment au Canada et plus particulièrement à Montréal. Et bah, demain, 14h à l'UQAM. Voilà, voilà, vous savez quoi faire. Voilà, alors peut-être pour respirer un peu et vous laisser respirer, on va s'écouter une musique relaxante. Je propose de faire une petite, un petit break en parce écoutant... Que c'est vrai que là, on parlait, ça parlait vite, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai parlé un peu vite. Et du coup, faut quelque chose qui... Un peu plus tranquille, donc on va écouter Atari Teenage Riot, une chanson qui s'appelle Start the Riot, et on revient juste après. Voilà, on revient à la fin de l'émeute. Voilà. Bonsoir, rebonsoir à toutes et à tous et aux autres. Bienvenue ou re-bienvenue sur La Voix sans maître, l'émission des anarchistes du Centre culturel libertaire de Lille et des anarchistes en général de Lille et du monde entier. Vous êtes sur Radio Campus 106,6. Vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. Et on va vous parler tout de suite, on va faire une petite rubrique nécrologique. On va vous parler de plusieurs personnes qui sont mortes dans la semaine. Voilà. Voilà. Et ben, on va commencer par François Maspero, qui est mort samedi dernier, donc le 11 avril, et qui avait 83 ans. Alors, qui était François Maspero, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce personnage? En fait, il est surtout connu pour avoir été... en gros, l'éditeur de la gauche critique, de l'extrême gauche, y compris du mouvement, enfin de certaines composantes du mouvement anarchiste, notamment dans les, on va dire, fastueuses années 60 et 70, fastueuses en termes de critique de mouvements sociaux, d'émulation politique entre les divers groupes de la gauche. Donc en fait, François Maspero, qui avait un peu une histoire de famille dans l'engagement, puisque son frère a été tué dans le maquis, son père a été déporté à Buchenwald. Voilà, bon, donc forcément, ça forge un petit peu des choses. Donc apparemment, il a pas mal gardé cet aspect contre la guerre, mais surtout contre l'injustice. Et il s'est notamment intéressé un peu à tout ce qui se passait. Et c'est quelqu'un qui a d'abord acheté une librairie qui s'appelait La Joie de Lire dans le quartier latin à Paris, et qui a commencé à vendre des bouquins, et qui s'est dit « bon bah, je vends des bouquins, je vais pouvoir en éditer ». Et notamment au moment de ce qu'on appelait alors les événements en Algérie, donc de la guerre de décolonisation en Algérie, et qui a fait un petit peu, qui a participé aux côtés de Jérôme Lindon des éditions de Minuit à l'édition de textes, des premiers témoignages en fait de ce qui se passait là-bas, un peu de tous les points de vue, hein, et donc qui a eu des procès comme les éditions de Minuit qui ont conduit à la censure de certains ouvrages, et du coup il a aussi participé à la création de sortes de réseaux informels d'édition de textes censurés et interdits, qui se retrouvaient édités soit en Suisse, soit en Italie, et qui revenaient en France par différents réseaux pour pouvoir quand même être trouvés acquis pour que ces différents témoignages, que ce soit sur ce qui se passait là-bas, puissent arriver en France. Notamment, c'est lui qui a édité les écrits justement de Frantz Fanon sur la guerre d'Algérie, notamment l'an 5 de la révolution algérienne. Voilà. Et puis il a commencé au fur et à mesure, en fait, plus on se rapproche de 68 et plus il y avait plus il y avait de thématiques et de groupes qui commençaient à éditer chez lui. Et en fait, ce qui est super impressionnant avec François Maspero, donc, qui a fondé les éditions Maspero, c'est la palette en fait, des thématiques qui ont été abordées dans ses ouvrages, et y compris la palette des contributions, parce que bon, comme j'ai dit, ça va des anarchistes jusqu'à, on va dire, une gauche, même y compris un moment, disons qu'il il avait édité Che Guevara, mais surtout il avait édité Fidel Castro, enfin des discours de Fidel Castro. Il avait édité pas mal de trucs maoïstes quand même à ces moments-là. Puis après, plein de trucs de l'LCR dont il a fait partie un moment, mais de plein de groupes, un groupe maoïste, je crois, qui s'appelait Partisan, notamment, qui avait fait une tribune libre, je crois, au MLF. Qui a donné un ouvrage qui s'intitulait Lutte des femmes années zéro en 70. Et donc il y a eu un spectre des mouvements, c'est-à-dire qu'évidemment il y a eu beaucoup les guerres, la question coloniale, les guerres de libération nationale, mais un peu partout dans le monde, c'est-à-dire donc en Amérique latine, en Afrique, mais y compris des choses sur la question irlandaise. Sur le Pays Basque, il a publié pas mal de bouquins sur les luttes antinucléaires. Là encore, depuis des positions très radicales, et puis des choses un peu plus, on va dire, conformistes. Typiquement, les travailleurs du CEA qui s'étaient mis en grève en 68, et donc il y a eu un ouvrage de témoignage là-dessus, et plein d'autres choses dans le genre. Donc il a publié des choses sur le féminisme, sur la question de l'éducation. Notamment, il a publié un ouvrage d'un auteur du coin qui avait travaillé du coin, qui avait travaillé aux différentes structures médico-éducatives qu'il pouvait y avoir à Armentières ou dans le reste de la métropole. Donc il a édité aussi Wilhelm Reich. Donc vraiment, ça a été super foisonnant. Et en fait, moi, je voudrais insister sur une petite collection qu'il a fait au sein de son édition. C'est-à-dire que il y a eu, je sais pas exactement toute la structure de la maison d'édition, mais il y a eu plusieurs collections. Une qui est très connue, c'est la petite collection Maspero. C'est des tout petits bouquins en couverture en général de couleur uniforme, où il y a pratiquement le sommaire sur la couverture, et où là, il y a plein de classiques qui ont été édités là-dedans. Donc, y compris les bouquins de Frantz Fanon dont on parlait. Chez les anarchistes, il y a Daniel Guérin qui a publié là-dedans l'histoire de l'anarchisme en 4 volumes, et aussi tous ces ouvrages sur le fascisme. Qu'est-ce que le fascisme, le fascisme et capital, je crois, ou ce genre de choses. Des ouvrages de Louise Michel, des essais sur la Commune de Paris. Et tout un tas de choses comme ça. Il a aussi créé vers la fin, donc la fin des éditions, c'est début des années 80, parce qu'en 82, les maisons il transmet la maison d'édition à une personne qui a fondé les éditions de la Découverte. Mmh. Et en fait, la Découverte, initialement, c'était une collection orientée sciences sociales, je crois peut-être plutôt anthropologie, au sein de la collection Maspero. Mais il avait une petite collection qui n'est pas très riche. Il doit y avoir une vingtaine d'ouvrages dedans, peut-être un peu plus. Et par contre, qui s'intitulait « Actes et mémoires du peuple », et où c'était essentiellement des écrits qui a été retrouvés de petites gens, donc de gens qui, à des époques, ça remontait à des choses du XVIIIe siècle pour la plupart. La plupart du temps, c'était 18-19e siècle, qui avaient eu accès à l'écrit suite à des... Ça dépendait des raisons des personnes, mais qui, du coup, se mettaient à se témoigner. Or, on avait très peu de témoignages écrits deux personnes, on va dire vraiment du peuple de ces années-là, quoi. On avait les témoignages de la noblesse et de l'aristocratie sans problème, de la bourgeoisie, y compris de la petite bourgeoisie. Mais vraiment, de classe populaire et de travailleurs, il y en avait assez peu. Donc, notamment, il y a eu un ouvrage sur une personne qui a vécu au 19e siècle et qui a fait tout le... Qui a notamment beaucoup participé à la révolution, on va dire, de 1848, et qui a fait un peu tous les mouvements de révolte qui ont traversé la France au 19e siècle, donc qui s'appelait Norbert Truquin. Donc ça s'appelle Mémoire d'un prolétaire à travers la révolution. Et un témoignage assez exceptionnel, donc là c'est de Victorine B. Alors je crois que depuis on a retrouvé son nom de famille, à quoi correspondait le B. Et qui s'intitulait « Souvenir d'une mort vivante ». Et en fait, c'est une femme qui travaillait à Orléans, puis dans le Paris du 19e siècle, et qui s'est engagée dans l'Association internationale des travailleurs, et qui, pendant la Commune, s'est engagée et qui était infirmière dans une des... de l'armée de la Commune, là. J'ai plus les noms. Des dispensaires. Non, elle était vraiment sur les barricades, quoi, avec l'armée, mais du coup elle était infirmière et qui a survécu in extremis aux fusillades et compagnie, et du coup qui a été condamnée à mort et qui s'est finalement réfugiée et qui a réussi à passer en Suisse, et donc qui écrivait depuis la Suisse, d'où le souvenir d'une mort vivante puisque elle était censée être morte aux yeux de l'autorité française. Voilà, et il y a eu plein de choses, des témoignages sur les métiers, notamment un ouvrage, je crois, qui avait eu pas mal de succès, qui s'appelait « Mémoire d'un compagnon » d'Agricole Perdiguier. Donc c'est un des premiers témoignages, je ne sais pas si c'est un des premiers, mais c'est un des témoignages les plus complets sur un compagnon du devoir charpentier qui a fait son tour de France, et donc un témoignage de son tour de France, de la structuration des compagnons du devoir, des rivalités au sein de ces organisations-là, du déroulement du tour de France, des problèmes qu'il pouvait y avoir dans les villes, mais aussi de la solidarité qui existait, des conditions de voyage et tout ça. Okay. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut trouver quelques-uns de ces ouvrages à la bibliothèque du CCL, par exemple ? Oui, et ben notamment pratiquement tous les ouvrages de Daniel Guérin, et pas mal de ces ouvrages de témoignages qui sont qui se trouve. Alors malheureusement, le catalogue de du CCL ne permet, je pense, permet difficilement de faire une recherche à partir du nom de l'éditeur. Mais si vous y venez, que vous demandez aux personnes qui s'y trouvent, ils ont l'avantage d'être assez reconnaissables visuellement. Et voilà, il y a pas mal de choses, y compris sur... je sais pas sur oui parce que sur la fin il a aussi fait énormément de choses sur les mouvements de contestation, surtout les mouvements ouvriers dans les pays de l'Union soviétique. Voilà, et notamment il avait publié avant les histoires concernant Solidarnosc et tout ça, pas mal de récits de grève d'ouvriers de Gdansk et ce genre de choses. Okay. On a quelques ouvrages là-dessus au Centre culturel libertaire. Très voilà. Et donc depuis 82, François Maspero avait arrêté son travail d'édition. Il s'était mis à écrire. Il a fait quelques témoignages, notamment un peu autobiographiques, y compris sur son expérience avec Cuba. Voilà. Et donc il est mort samedi dernier à l'âge de 83 ans, avec, je dirais, une vie bien remplie, et puis surtout un service rendu au mouvement d'émancipation, malgré quelques erreurs apparemment de choix d'édition qu'il était prêt à confesser, mais je veux dire, dans le tas, voilà. Et donc, c'était pour saluer la mort de ce personnage. Très bien. Et bien, rapidement, du coup, avant de faire une petite pause musicale, je continue la rubrique nécrologique avec du coup le camarade Gilbert Roth qui est mort dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, donc là cette semaine. Il était militant anarchiste cambrioleur, et donc c'était un anarchiste qui cambriolait notamment les maisons et cabinets de notaires, avocats, etc., pour vivre et pour refiler la thune au mouvement. Voilà. Il était aussi du coup archiviste. Et il était membre du CIRA de Marseille, donc le Centre international de recherche sur l'anarchisme. Donc il y a une très grande base de données sur l'anarchisme. Et qui à Marseille dispose d'un local très conséquent, avec vraiment une bibliothèque assez riche. C'est ça, des archives assez impressionnantes et tout, quoi. Et donc, voilà, il est mort pendant son trajet vers le Salon du Livre Libertaire de Gand, donc qui a lieu demain à Gand. On vous en a déjà parlé. Voilà. Et autre chose, Jero vous en a parlé dans l'émission précédente. Donc le 13 avril, il y a l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano qui est mort. Donc c'est l'auteur du livre qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, et du coup qui fait une analyse de la colonisation de l'Amérique latine depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours, enfin jusqu'aux années 80. C'est le moment où il a été écrit, le livre. Donc c'était un écrivain engagé pour les luttes anticoloniales et les luttes d'émancipation en Amérique latine en général. Voilà, et donc n'hésitez pas, ça peut être l'occasion de relire ce bouquin-là notamment, qui a été traduit en français. Il y en a quelques autres aussi, et si vous lisez l'espagnol, il y en a encore plus d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Et notamment, je crois avoir vu passer cet après-midi sur lemonde.fr un extrait d'un ouvrage encore inédit en français qui est en cours de traduction, et donc un extrait, un passage sur des témoignages de femmes qui ont résisté aux conditions qui leur ont été faites en Amérique latine, et qui est très parlant, qui est très beau, qui est très fort. Donc vous pouvez le trouver sur Le Monde en attendant qu'il sorte. J'ai plus le titre, hélas, en tête. Ok, très bien. Voilà, du coup, pour rester dans cette ambiance, on va dire, un peu mélancolique et nostalgique, et puisque nous n'avons pas peur des clichés, voilà le mot. Voilà, eh bien, nous allons passer en hommage à toutes ces personnes, une interprétation à l'accordéon du temps des cerises. Voilà. On se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM. Et c'est vendredi soir et c'est aussi le moment du recueillement. voilà. On va, une fois ces tristes nouvelles données, on va continuer sur des choses un peu plus joyeuses avec... Avec une petite brève, une action de solidarité qui a eu lieu à Toulouse et qui s'est faite en solidarité avec les expulsions à Calais. Enfin, du coup, en solidarité contre les expulsions à Calais, que je me fasse bien comprendre. Je vais vous lire le texte de revendication. En fait, c'est une action, du coup, il y a eu une expulsion de l'UMP, en fait. L'action, elle s'appelle l'UMP de Calais expulse, expulsion de l'UMP. Et donc, c'est un groupe de personnes qui allaient déménager de force le local de l'UMP à Toulouse. Et donc, le texte de revendication, ça dit « En France, comme partout ailleurs, des milliers de migrantes et de migrants font les frais de la guerre aux pauvres, engagés par les États et désormais par l'Europe. » Obligés de quitter leur pays, bien souvent à cause des désordres occasionnés par l'avidité des puissances occidentales, ces personnes se retrouvent traquées par la police, mises en danger de mort lorsqu'elles tentent de passer une frontière et méprisées par toutes les administrations. Tandis que cette situation s'aggrave, certains et certaines considèrent que toutes les vies ne se valent pas. Cela leur permet de fuir leurs responsabilités. Nous crions l'inverse, personne n'est inégal. Bienvenue à toutes et tous les réfugiés. À Calais, la maire UMP cherche à profiter de manière obscène de cet état de fait. Elle n'a de cesse de favoriser le racisme vis-à-vis des migrantes et des migrants, quand elle n'envoie pas tout bonnement ses employés municipaux faire le sale boulot d'expulsion, généralement réservé aux flics. Ce parti nauséabond tente de creuser la fracture entre différentes populations en fonction de leur couleur de peau et de leur langage ou de leur pays d'origine. Nous ciblons aujourd'hui ce repère de réactionnaires. Si les flics n'ont même pas eu à expulser Manu Militari cette fois, la pression exercée par sur les sans-papiers reste tout autant inadmissible. Mais qu'on ne se trompe pas, il serait absurde de pointer un parti politique comme seul responsable. En effet, la préfecture socialiste du Pas-de-Calais n'est pas en reste quand il s'agit d'envoyer ses sbires en uniforme terroriser les migrants et les migrantes. Nous n'attendons rien des politiques qui ne trouvent pas mieux à faire que de dresser les unes et les uns contre les autres. Nous considérons en revanche que la solidarité entre celles et ceux qui subissent la violence de l'État est la seule réponse adéquate face à leur cynisme. Nous attaquerons les responsables et les structures qui cautionnent de tels méfaits. Nous continuerons à combattre le racisme où qu'il se trouve. À bas les frontières, mort aux États et aux nations. Voilà, donc ça c'était le petit texte, le tract qui avait été diffusé pendant l'action. Magnifique. Oui, c'est plutôt rigolo. Et merci, en tout cas, ça fait plaisir, quoi, des actions de solidarité jusqu'à Toulouse pour la situation à Calais. Donc, on en parle régulièrement ici, de la situation à Calais. Il y a des choses qui se changent toutes les semaines, donc on pourrait en parler à chaque fois. Mais là, le temps nous manque un petit peu. Voilà. Et ben, sauf si tu veux continuer ou nous renseigner sur d'autres brèves, d'autres agissements de par le monde. Peut-être rapidement, il y a une copine anarchiste anglaise qui a pris 2 ans de prison mardi 24 février 2015, donc il n'y a pas longtemps, à la cour de Bristol, là, pour dommages criminels qui mettent en danger la vie d'autrui. En fait, ce qu'elle a fait, c'est endommager des voitures de police à Bristol, notamment avec des genres de hearse ou un truc comme ça, d'après ce que j'ai compris. Donc on ne peut pas vraiment dire que ça mette en danger la vie des personnes, mais bon, peu importe la nature de la charge, en fait, on s'en fiche. Donc la question, c'est que cette copine, elle a été mise en prison pour 2 ans. Et que si vous voulez lui écrire, eh ben, il ne faut pas hésiter. Et donc, vous pouvez trouver toutes les coordonnées sur le site de l'ABC, donc de l'Anarchist Black Cross de Bristol. C'est une organisation internationale de soutien et de solidarité aux prisonniers et prisonnières politiques. L'adresse mail, c'est bristol@riseup.net, et donc là il y a toutes les infos. Et si vous voulez plus d'infos sur sa situation et lire une lettre qu'elle a écrite depuis la prison, Vous pouvez notamment aller voir le blog Le Chat Noir Émeutier. Donc ça s'écrit comme ça se prononce, le chat noir émeutier tout attaché .noblogs.org, et donc il y a un peu d'infos là-dessus et une lettre traduite en français. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça et n'hésitez pas à écrire des lettres d'où qu'elles viennent, ça fait toujours plaisir, et voilà, les personnes incarcérées sont toujours contentes de les recevoir. Voilà, toutes les prisons. Je pense qu'on peut conclure cette émission comme ça. Feu à toutes les prisons et solidarité anticarcérale internationale. Exactement. Voilà, peut-être on vous laisse les dernières minutes avec un peu de musique. Morceau. Ouais, voilà, en parlant d'expulsion. Ouais. Ah bah voilà. Et puis à la semaine prochaine. Vous êtes toujours sur La Voix sans maître sur Radio Campus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Il paraît que chez toi, expulsez-moi. Ouverts sont les bras, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Je suis un oublié, expulsez-moi. Je ne fais que passer, expulsez-moi. Sur mon tapis volant, expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans, expulsez-moi. Quand les bouches du métro, expulsez-moi. Vomissent des troupeaux, expulsez-moi. Il était une fois, expulsez-moi. Chez toi, c'est chez moi. Moins on...